ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la septième dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Au programme du jour, des aliens plus ou moins sympas, du rap et des armes de toute taille, de toute forme et de toute utilité. Non, ce n'est pas le prochain Michael Bay, mais c'est bien la saga Men in Black sur laquelle nous nous penchons aujourd'hui, dans le cadre d'une rétrospective en deux parties sur le réalisateur Barry Sonnenfeld, réalisateur à l'origine de cette saga, et dont nous chroniquerons la suite de sa carrière dans deux semaines. Je suis Corentin, votre serviteur, et je ne suis bien évidemment pas seul, je suis toujours avec Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Et ça va très bien, et toi ? Mais ça va toujours. On s'est refait du coup toute la saga et plus la série. Est-ce que c'était majoritairement du bonheur ou pas ? On verra ça. Mais pour l'instant, ça va. Ravi d'en débattre avec toi. Pour le meilleur et pour le pire. On en parlera. Men in Black à la base, c'est quoi ? Men in Black à la base, c'est un comics dans lequel on suit une organisation gouvernementale chargée de gérer les phénomènes paranormaux en général, donc pas seulement les aliens, qui est la partie sur laquelle se concentrent les films, avec des moyens plus ou moins obscurs. Mais au cinéma et à la télévision, ce sont 4 films sortis entre 1997 et 2019, ainsi qu'une série d'animation de 53 épisodes diffusée entre 1997 et 2001. Tu es prêt à démarrer ? Je suis prêt. Eh bien, on peut démarrer avec le tout premier film, Men in Black, qui date de 1997. Nous travaillons pour une agence gouvernementale clandestine à gros budget. On va s'en occuper. Qui vous envoie ? INS Division 6. Il n'y a pas de Division 6. Notre mission est de surveiller les activités extraterrestres sur la planète. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs. Nous avons besoin de l'un d'entre vous. Qu'est-ce qui vous fait rire, Edward ? Je vois pas du tout ce qu'on fait ici. Il me faut un café. Tu veux un café ? Non, merci. Oh, salut les mecs ! Salut, ça va comme vous voulez ? Oui, c'est cool. Ok, je m'engage. Désormais, tu n'auras plus aucun signe distinctif. Tu ne fais plus partie du système. Nous sommes les Men in Black. Tu connais la différence entre toi et moi ? C'est que moi, j'ai la classe. Donc, le premier film Men in Black, qui est sorti donc en 97, le cinquième film de Barry Sonnenfeld, écrit par Ed Solomon, à qui on doit aussi la saga Bill & Ted avec Keanu Reeves, Insaisissable 1 et 2, Super Mario Bros, donc c'est un peu une fois sur deux avec lui. Mettant en scène Will Smith, Tommy Lee Jones ou Linda Fiorentino. Le film dispose d'un budget total de 115 millions de dollars, mais avec un budget publicitaire de 25 millions. La musique est composée par Danny Elfman. Et Will Smith, avec sa carrière de rappeur, a fait un titre éponyme pour accompagner la sortie du film. Les effets spéciaux sont confiés à Rick Baker, qui a aussi fait ceux du Loup-garou de Londres, de Hurlement, Vidéodrome. Donc, ça va, il n'est pas trop... Il est sur son terrain. Le film est produit via Amblin, donc avec Spielberg dans un rôle, qu'on voit dans un très sympathique caméo du film. Le film nous raconte l'histoire donc, des Men et de l'organisation des Men in Black, qui est donc une organisation chargée de gérer l'immigration illégale des extraterrestres sur Terre. On y suit l'agent K, interprété par Tommy Lee Jones, qui va prendre sous son aile un jeune Will Smith qui interprétera l'agent J, et qui ensemble vont devoir se retrouver à, globalement, sauver l'humanité. Et du coup, pour toi, Melvin, comment tu avais découvert le film ? Tu l'avais découvert pour l'occasion ? Tu l'avais déjà découvert avant ? Alors, je l'avais vu il y a très, très, très longtemps. Je sais que je l'ai vu. Je pourrais pas dire quand, mais j'étais enfant, on va dire. Et je sais que j'en avais quasiment aucun souvenir. Je me rappelais juste du méchant. Le gros insecte là ? Ouais. Et c'est tout. Je ne me rappelle rien d'autre. Ça n'est vraiment pas marqué. Après, je l'ai vu petit. Et donc, c'était vraiment un vrai plaisir de le redécouvrir parce que tout ce dont j'avais un souvenir, tout prenait forme, quoi. Sur ça, de mon côté, je l'avais découvert jeune aussi, très jeune, potentiellement trop jeune d'ailleurs, parce que j'avais été terrifié par le film. Mais vraiment, j'avais trouvé ça très dérangeant. Vas-y, vas-y. Et oui, justement, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais j'ai vu ça jeune, c'est quand même très. C'est pas horrible, mais c'est dérangeant, ouais. Comme tu dis, genre des trucs, tu fais, what? C'est. En fait, j'avais un souvenir du film en même temps fasciné parce qu'il avait ce côté un peu film de grand, tu vois, un peu pas gore, mais un peu trash, l'humour assez noir quand même par moments. C'est d'ailleurs pour ça que Barry Sonnenfeld avait été recruté, vu qu'il avait réalisé Les deux familles Addams avant. Il avait été cherché pour le projet sur ça, enfin, à cause de ça. Et en fait, j'en avais un souvenir vraiment très fort, très, très, très, très fort, mais. Pas drôle, pas vraiment drôle. À nouveau, je me rappelais comme toi du gros extraterrestre à la fin qui est vraiment immonde. J'en avais plein de Pire que souvenirs. l'extraterrestre, c'est Vincent D'Onofrio, l'acteur, quand il a sa peau sur lui, qui Exactement, enlève la moitié. ce truc-là, je trouvais ça mais atroce. Mais en fait, mais j'avais été terrifié par le film. Mais en même temps, j'en gardais un souvenir fasciné, en fait. Vraiment Ah, c'était quand même bien. Donc Mais c'était c'est vraiment. un petit côté unique. On n'a pas vu ça ailleurs. Enfin, maintenant Ben, peut-être, mais à l'époque, ben, c'était un peu nouveau, quoi. ouais. Et justement, du coup, le fait de le revoir maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ton avis a changé, évolué? Dis-nous tout. Bah, du coup, je n'ai pas trop d'avis à part que j'avais bien aimé. Mais c'était vraiment une redécouverte, qui est presque une découverte. Et bah, j'ai adoré. Genre, j'adore cet univers, qui est un univers vraiment propre où, et ce côté où ça pourrait très bien se passer. Et sauf qu'on ne le sait pas dans notre vie de tous les jours. Bah, sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et j'avais aussi trouvé une citation, enfin une citation, Sonnenfeld avait déclaré dans une interview, en fait, donc le script avait été modifié plusieurs fois. Notamment, pour l'anecdote, le film avait failli être réalisé par Tarantino. Oui, Et j'avais vu. ça aurait été incroyable. Ou En John fait, Landis aussi. ouais, John Landis, bah, celui qui a fait le Loup-garou de Londres, du coup. Ouais. Et en fait. Sonnenfeld a dit que le film se déroule à New York parce qu'il est parti du principe que si des aliens étaient amenés à rester sur Terre, ils pourraient clairement se fondre dans New York parce que c'est une ville justement où on découvre des choses, des bâtiments chaque jour. Alors, n'y étant jamais allé, je ne peux pas témoigner, mais vu ce qu'on en voit dans les films, je n'ai pas trop de mal à le croire. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup impressionné dans le film, du coup, c'est en fait, comme tu l'avais évoqué, c'est que c'est un film unique, en fait. C'est-à-dire que l'ambiance du film, ce côté. Un peu dérangeant et en même temps un ultra festif, très drôle par moments. Je n'ai jamais vu ça dans d'autres films en fait. Enfin, j'ai déjà vu ce mélange, le côté comédie un peu trash, voilà. Mais jamais comme ça. Et Que c'est léger comme film, c'est très ouais, léger. c'est très léger, mais faut pas montrer pour les enfants. Oui, pourtant Pas c'est avant une 12-13 ans. ambiance. Ça se trouve visuellement, tu ne montres pas des enfants trop jeunes, mais d'un point de vue histoire, il n'y a rien de choquant, quoi. Parce que tu vois des comédies horrifiques, par exemple, tu vas pas montrer aux enfants pour l'image, tu vas pas montrer pour l'histoire qui est des trucs, par exemple, de tueur ou quoi, c'est un peu très sombre. Là, l'histoire est tout sauf sombre, quoi. Tu as juste un alien qui veut partir et veut détruire la Terre. Bon, c'est pas non plus. En Les fait, mêmes projets que dans un méchant de James Bond, quoi, c'est pareil, hein. exactement, et surtout si on prend une comédie horrifique entre guillemets phare, donc par exemple Shaun of the Dead, que tu aimes bien, il me semble. Ben, Shaun of the Dead, tu peux pas le montrer à un enfant parce que c'est quand même assez gore sur la fin notamment. Là, comme je l'ai dit, moi en tout cas, j'en avais un souvenir très marquant, très fort, mais pas terrifié. C'est-à-dire, j'avais trouvé ça vraiment dérangeant, mais j'ai quand même bien dormi après en fait. Donc, C'est dérangeant et fascinant à la fois. c'est exactement ça. Et aussi d'autres choses que j'ai où j'ai repris. Donc, j'évoquais Rick Baker, les effets spéciaux. Alors, il y a quelques trucs numériques, mais qui sont Ils ont l'Oscar d'ailleurs, Il du a l'Oscar maquillage. des maquillages, bah justement, bah sur les effets spéciaux, les maquillages sont nickel. C'est-à-dire, il y a plein de petits trucs, et tu sais, genre les costumes des aliens, etc. Parce qu'en C'est tous fait, différents, il y a de la diversité. pour raconter justement dans le film, les aliens sont parmi nous, dans la diégèse du film, et en fait, ils ont tous des costumes d'humains. Parfois, ils ont juste un masque en latex, parfois, ils doivent tenir des bâtons pour faire une tête, et c'est juste. Dingue, les idées qu'il y a pour faire ça, c'est vraiment hallucinant. Et quelque chose qui, moi, m'a vraiment, vraiment fasciné, c'est que même les effets spéciaux numériques, il y en a quelques-uns, et Dieu sait que je suis pas fan de ça. À la bête à la fin, notamment. Ouais, mais oui, mais je trouve trouve que c'est dans l'esprit cartoon du film, en fait. C'est vraiment... Ça n'a pas trop mal vieilli, le numérique, pour voir que ça date d'il y a plus de 20 ans. Oui, enfin, oui, en fait... Bah, par rapport à d'autres films. Ah oui, bah, notamment par rapport aux suites, on tease un peu. Oui. Mais ouais, et en fait, aussi, quelque chose qui m'a vraiment marqué, avant de passer à la suite, je pense aussi, je viens d'y penser, que le côté fascinant et en même temps un peu effrayant, c'est dû à Spielberg, en fait, la patte Amblin. Parce que on retrouve ça dans Gremlins. Même E.T. Oui, E.T., le début d'E.T. ou la scène avec les scientifiques qui est super anxiogène à la fin. Mais dans Gremlins, tu as aussi ce côté purement film d'horreur au début, où tu sais pas trop, tu as les bestioles, tu sais pas trop à quoi elles ressemblent, et où la fin, c'est un gros délire, ça va dans tous les sens. Et je pense que Spielberg a dû beaucoup jouer dans le film. Mais autre chose que j'ai vraiment adoré, au-delà de la musique de Elfman, que moi je connais surtout pour ses compositions chez Burton ou chez Selick, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, Batman, Edouard aux mains d'argent, c'est la musique du film qui est hallucinante. Cette scène d'intro. Allez, dans l'espace, la scène d'intro dans l'espace où c'est fou, c'est juste fou. En fait, pour raconter, donc, on voit tous les crédits défiler avec tous les noms qui ont participé au film, avec la musique, et en fait, on suit la mouche aussi, après avoir une espèce de mouche. C'est pas une espèce, non, c'est une mouche. Et c'est ultra inventif, c'est super. Et je serais curieux d'avoir ton avis sur un truc, c'est ce casting. Ce casting est incroyable. C'est-à-dire qu'on retrouve Linda Fiorentino qui avait joué dans Jade de Friedkin, bon, film érotique. Le film est compliqué, mais moi j'avais vraiment été marqué par elle dans le film. Will Smith, donc Ali, Independence Day, mais surtout Tommy Lee Jones. Et Tommy Lee Jones, pour le coup, j'ai pas vu énormément de films, et quand j'ai découvert Men in Black, j'avais vu Batman Forever avec lui. Donc autant dire que c'était un fossé entre les deux. Ah oui, un peu. Et surtout, tu peux prendre des bons acteurs et parfois ça ne marche pas. Et là, ils ont vraiment une alchimie entre les deux, le duo principal qui marche sur tout le film. On retrouve une mécanique finalement très classique de buddy movie, où tu as l'expérimenté, je veux par Tommy Lee Jones, et le débutant, je veux par Will Smith. Mais là, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Et oui, c'est sûr. Comme on disait tout à l'heure, Donofrio en méchant aussi, ça marche très très bien. Ah ouais, pas qu'un peu. Mais Tommy Lee Jones, vraiment, je trouve qu'il a une classe incroyable. Il est super drôle. Mais il est super drôle et en même temps, il en impose. C'est-à-dire, tu vois, dans la scène d'intro où ils arrêtent les Mexicains à la frontière, déjà, il est ultra drôle. Enfin, je trouve qu'il a un côté complètement décalé lorsqu'il parle à l'alien. Enfin, ça et fonctionne. Et pince sans rire. C'est exactement ça. Pince sans rire. Smith n'a pas, du coup, mais lui, il est pince sans rire à fond et c'est incroyable. Et en fait, dès qu'il veut être sérieux, c'est-à-dire dès que le frontalier l'interpelle, tout de suite, il devient ultra sérieux, avec vous n'avez aucune idée de avec qui vous êtes en train de gérer. Et il en impose, on y croit, en fait. Il fait presque peur. C'est clairement ça, et pour moi, c'est vraiment lui qui porte la saga. Vraiment, c'est son personnage. Enfin, en tout cas, c'est celui qui, moi, m'intéresse le plus. Mais après, je trouve qu'avec Will Smith, ils sont très différents. Et je ne dirais pas qu'il y en a un plus que l'autre. C'est vraiment le duo qui fonctionne. Ah, c'est vrai. Mais surtout, tu l'as dit, Tommy Jones qui en impose, qui est impressionnant. Et Will Smith qui est beaucoup plus en roue libre, en fait. C'est-à-dire que la vanne qui m'a vraiment conquis la première fois que j'avais vu le film et qui, encore une fois, fonctionne toujours, c'est... Alors, tu l'as vu en VF ou en VO, toi ? VF. Tout en VF. Et pour le coup, je te soutiens, parce que sur la VF, elle est folle. C'est lorsque Will Smith finit son recrutement chez les Men in Black. Donc, il y a tout un processus où tu sais, il perd son identité, ses empreintes, etc. Ouais. Et il arrive derrière Tommy Jones, il fait « Tu sais la différence entre toi et moi ?» Ah ouais, la réplique connue. Sur moi, c'est la classe. Et je trouve ça mais incroyable, quoi, vraiment. Facilité à jouer Will Smith dans le film, c'est une impression que c'est naturel pour lui. Pour moi, c'est un de ses rôles les plus marquants et un des rôles que je préfère vraiment chez lui. Et j'en ai pas vu tant que ça après, mais oui. Je suis d'accord. Bah, j'ai vu, bah, j'en ai, je sais pas si on ai beaucoup vu, mais des rôles que j'aime beaucoup de lui, je pense à Je suis une légende, notamment, qui est un film post-apocalyptique que j'aime vraiment énormément. Il y a Ali de Michael Mann, évidemment, mais. Il y a Jimmy Miniman, ah non, ça, pardon, a dit qu'on n'en parle pas. Ouf! Oui, non. mais aussi, le film Men in Black 1, du coup, enfin, j'ai réalisé quelque chose, c'est qu'il a véritablement un statut culte, en fait. C'est qu'il y a plein de gags qui sont, mais, overconnus aujourd'hui. Oui, surtout le 1. Bah, Et je pense que le fameux Neuralizer, donc l'idée du flash oui, là, qui permet d'effacer la mémoire, le chien qui parle, qui sera repris Franck. dans. Franck le chien qui sera repris dans les suites. Le criquet, tu sais, le coup du petit pistolet qui tire un truc énorme. C'est des objets cultes, c'est un peu comme les sabres laser de Star Wars. Pas besoin d'avoir vu pour connaître. Ah ouais, c'est ça, mais Moi, vraiment. j'avais vu le 1 il y a très longtemps, je me rappelais de rien, mais tu montrais un neuro laser, je te disais, bah oui, ça efface la mémoire. Ah, Genre, c'est normal. bah, c'est complètement ça. Et à nouveau sur ça, je pensais à un truc, c'est une scène que je trouve vraiment super et étonnamment vraiment bien réalisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop parlé de la réalisation, parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, elle m'a pas vraiment marqué, en fait. Elle est très fonctionnelle. Je sais pas comment. Allez, parce que je répète qu'on fera un épisode Barry Sonnenfeld, et donc à force de me faire la filmographie de Barry Sonnenfeld, il y a quand même des trucs propres à lui. Vu comme ça, tout seul, non, mais quand on regarde tous ses films, il y a des trucs à lui. Mais ça, on en parlera dans le Bah prochain écoute, épisode. je serais ravi du coup de. Bah, j'ai hâte de comprendre ça. Mais Des là. angles de caméra, surtout, sur les Mmh. visages, et des contre-plongées, que des trucs comme ça tout le temps. Bah, c'est vrai que sur ça, on les retrouve. C'est inhérent à la saga. Donc j'ai hâte du coup de voir à quel point ça peut. C'est répétitif. Enfin, en tout cas, c'est utilisé par lui. Et autre chose, une dernière chose que j'avais notée, c'est qu'il y a plein de petites subtilités dans l'écriture qui fonctionnent en fait. Alors, il y a une scène que j'ai trouvée très très ben, qui moi m'a beaucoup marqué mais que j'avais quasiment oublié. C'est la scène avant que Will Smith se fasse recruter où en fait tu vois Will Smith et Tommy Lee Jones parler et tu vois Will Smith qui demande simplement est-ce que ça vaut le coup? Et enfin je sais pas, je trouvais ça plutôt touchant ou ça marche en fait. Je saurais pas comment dire mais il y a un truc, il y a quelque chose en fait. Et puis les personnages sont super bien écrits aussi. Parce Ah, qu'au final, même dans toute la saga, sur le personnage de Tommy Jones, Laka, on n'en saura quasi rien, même le 3. Je veux dire, il est très flou et pourtant on s'attache au personnage et je le trouve super bien écrit. bah, dans le 1, il y a la scène où il regarde le portrait de sa femme, où tu arrives à comprendre tout ça, et la fin Ouais, mais là-dessus. c'est subtil et ça marche, quoi. Ouais, c'est très très bien. Et il est à l'origine aussi d'une autre réplique que j'adore, qui pour le coup, je ne sais pas comment elle est en français, mais en anglais, elle est incroyable. C'est avant qu'il s'apprête à aller blasteriser, on va dire, le gros alien à la fin. Et du coup, il y a Will Smith qui fait Roaches check-in. Et Tommy Jones qui répond They don't check-out. Et je trouve ça incroyable. Je me rappelle plus en français, il faudrait que je revoie le nom. Bah, je suis en train de regarder et en fait, c'est cafard en entrée, bouilli à la sortie. Ah oui, c'est ça. Et vraiment, c'est super. Et la dernière note que j'avais notée, c'est ça fait du bien. Le film dure 1h38, il passe comme 20 minutes. Oui, le rythme est. Moi, j'aime le rythme. Oui. Incroyable. C'est ultra rythmé. On s'ennuie pas une seule seconde. Il n'y a aucun temps mort. Et même s'il y a un temps mort, je trouve que la composition de l'image dans le film, il y a toujours des trucs en arrière-plan. Par exemple, dans leur agence, tu as des aliens partout. Et donc, même Oui. si au premier plan, tu as les personnages, et au fond, tu as des aliens qui se baladent, et c'est pareil partout. Rien que Stallone en petit dans un écran, c'est Oui, incroyable. tu l'as vu, mais dans le même écran, t'as Stallone et t'as Spielberg. Ah, j'ai vu que Stallone. Bah, il y a Stallone en énorme, mais juste en dessous de Stallone, à la gauche, si tu regardes bien, tu vois Spielberg et t'as plein de personnages politiques. En gros, pour. Ouais, et puis ça me fait rire, c'est genre Tom Jones au calme qui fait. Oui, non, mais c'est normal, tu vois, les aliens, ils sont partout. En fait, donc Stallone est un alien, puis ça passe. Non, Ce mais que j'aime, c'est que c'est. ça force jamais là-dessus, quoi. Genre, c'est Et normal dans cet univers. la blague à la fin sur Elvis, lorsque Will Oui, Smith aussi, dit à oui. sa partenaire, ouais, t'aimes bien Elvis, mais il est pas mort. Non, non, il est juste retourné sur sa planète. Ça marche, quoi. Enfin, Et ça appuie jamais dessus. Comme dans la famille Adams, on verra, c'est que les blagues, elles sont comme ça. Elles arrivent, tu t'y attends pas. Et jamais ils forcent dessus et ça marche très bien. Ils s'expliquent bien et tout, c'est normal en fait pour c'est eux. super fluide, mais vraiment ce film, ça a été un énorme plaisir à le revoir. Mais, et là je dis vraiment ça, à ne pas voir trop jeune, parce que vraiment c'est ça peut vraiment être impressionnant. C'est, tu as dit le gros alien à la fin, mais il y a plein de trucs qui sont un peu. Enfin, le vendeur qui se fait exploser la tête. Jibbles ou un truc comme ça, c'est ça. Mais en tout cas, ça peut vraiment être impressionnant, mais ça a été un énorme plaisir à revoir. Et du coup, il a eu un énorme succès. Oui, un très très fort succès, oui. C'est-à-dire sur le box-office, on est à plus de 580 millions de dollars. Avec il était deuxième. Il était deuxième de son année ? Il me semble, parce qu'il y avait Titanic la même année. Ouais, 97, c'est Titanic, donc bien derrière. Mais il me semble qu'il était deuxième, ouais. Et même du côté des critiques, c'est-à-dire ça a été salué. Il y a eu quand même eu 3 nominations aux Oscars. Meilleur décor, meilleure musique, meilleur maquillage, dont il remporte ce dernier. Et le titre de Will Smith, c'est le Grammy Award. Douglas, sa chanson. Compréhensible, parce que la musique défonce. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB. Et du coup, un énorme succès d'estime, un film devenu culte, finalement. Je pense qu'on le 1, en tout cas, on peut le dire, c'est un film devenu culte. Tout le monde connaît Men in Black. Ouais, c'est ça, même la fameuse blague des hommes en noir, le complot, tout ça, tout ça. Et du coup, ça a donné lieu à une série. Et alors, juste avant, pour le film, vas-y. Un truc que j'aime beaucoup, on n'a pas dit, c'est la toute fin. Ah, avec les billes. Ouais, je trouve ça incroyable. Pendant tout le film, il te parle de... Oui, mais imagine, on est une bille ou je sais pas quoi. Il le ramène quand même plusieurs fois dans le film. Et à la fin, ça... Ça semble logique, en plus. Tu veux raconter pour en parler rapidement? Ouais, alors en gros, à la fin, donc, on voit la Terre, c'est les caméras, elle s'en va. Donc on voit la Terre en gros, puis le système solaire, puis la galaxie, et ça s'éloigne encore, en se demandant où ça va aller. Et à la fin, ça devient une bille, avec une main d'alien qui prend la bille et qui joue aux billes, normal. Et parce que dans tout le film, ils disent, en fait, on est tout petit dans l'univers, et c'est la preuve, quoi. Et il n'y a pas plus visuel que ça, et plus compréhensible que ça. Et pour le coup, à nouveau, ça peut avoir l'air bête à raconter, mais vraiment, ce film fonctionne. En fait, c'est... Je pense que fait par quelqu'un d'autre ou fait par des gens qui ne seraient pas talentueux ou qui en tout cas n'auraient pas la volonté de faire ça premier degré et de vraiment le faire ça bien, ça n'aurait pas fonctionné, mais ici ça fonctionne beaucoup. Et du coup, la série. Cette série animée Men in Black, donc qui s'est étalée sur 5 ans, c'est ça? 5 ans? Non, 4 ans, de 97 à 2001. Ouais. Donc la série, c'est 53 épisodes, une vingtaine de minutes, donc format classique, comme disait Corentin, de 97, donc juste après le film, qui est plus ou moins une suite directe si on enlève l'incohérence de la neuralisation de K. Et c'est des... Ça suit une histoire, je ne l'ai pas vu entièrement, mais en gros, on suit les aventures de J, qui est nouvelle recrue, avec tout plein d'aliens à chaque épisode. Et c'est vraiment super agréable à regarder. Sur ça, j'ai pu regarder. Moi, j'avais pu voir la série en entier. Et en effet, je suis totalement d'accord avec toi. C'est 20 minutes, ça se regarde tout seul. Et vraiment, c'est très inventif aussi. Alors, il y a des épisodes qui sont un peu en deçà. Mais l'humour fonctionne. Très bon, ouais. Je ne sais pas s'ils ont repris les mêmes doubleurs que pour la VF. Alors en VO, non. En VF, oui. Enfin, pour les personnages principaux. Donc, Tommy Lee Jones est doublé par Claude Giraud, donc il garde le doubleur. Mm-hmm. Et pour Will Smith, pareil. C'est le personnage de Will Smith. Enfin, dans la série animée, c'est Greg Germain qu'ils ont gardé, du coup. Et c'est plus agréable qu'en VO, quand on regarde en VF, parce que ça a la même voix. Donc, c'est vraiment sympa. Bah, c'est vrai que sur ça, en fait, j'avais démarré en regardant en VO, et en fait, ça a vraiment fait trop. Ça faisait vraiment bizarre. Du coup, j'ai switché sur la VF. Et quel plaisir. Je sais pas si tu veux parler de la VF rapidement, mais la VF de Men in Black, c'est vraiment une excellente VF. Elle est très bonne. Et d'ailleurs, dans le film, le premier et le deuxième, c'est la voix de Doc Brown qui fait Zed. Et ça, quand même, c'est incroyable. Zed, dont on n'a pas parlé, on pourra en parler sur la suite. Mais ouais. Vraiment, c'était un très très bon personnage. Du coup, là, c'est quelque chose à rajouter ou, parce qu'en fait, moi, en tout cas, c'est une série qui se suit très bien. Il y a quelques arcs narratifs plus gros, entre guillemets, sur 2-3 épisodes. Mais c'est relativement mineur. On va dire, ça se regarde tout seul, ça se regarde vraiment très bien. Mais c'est pas non plus indispensable. Alors, pas forcément indispensable, mais quand même, pour beaucoup de dessins animés qui font suite au film, ça peut être parfois enfance, c'est pas hyper intéressant. Là, ça reste dans le ton du premier, et surtout, c'est hyper cohérent. L'univers est cohérent par rapport à ce qu'on a déjà vu, et je trouve que ça fonctionne très très bien là-dessus. C'est vrai qu'il est super, super inventif, c'est vraiment ça qui me... Et on a encore ce côté sombre. Le côté humour noir très décalé du premier film. Oui, ça reste, quoi. Les personnages restent les mêmes, ils sont toujours si bien écrits, on perd pas de ce qu'on a déjà eu, quoi. Ils font pas dans la facilité. Et bien justement, à propos de faire dans la facilité, je te propose qu'on passe au deuxième film. Quelle belle transition. J'en suis extrêmement fier. Du coup, deuxième film, je te laisse en parler. Tous les jours, pour des millions de gens, c'est métro boulot dodo. Et la vie passe tranquillement. Mais pour les Men in Black, c'est le même boulot dans un tout nouveau style. Et tu reviens d'une autre planète, et tu débarques en faisant la tête, et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû changer la serrure, j'aurais... Franck ! La Terre va avoir une galaxie de problèmes. Quel genre ? Mortel, fatal, dévastateur. Et le seul agent capable d'empêcher ça... Appelle-le, maintenant. Ne sait même pas qu'il est un agent. Et tu te souviens pas de moi, mais on faisait équipe dans le temps. J'ai jamais bossé dans les pompes funèbres. En quoi je peux t'aider, l'artiste ? Men in Black 2, qui sort donc en 2002, donc juste après la série. On reprend le grosso modo le même casting, on change le scénario avec Robert Gordon. Est-ce que tu as vu rapidement qui a fait le premier jet de scénario ? Là, j'en suis très fier d'avoir repéré ça. David Koepp, et tu sais qui est David Koepp ? Spider-Man, exactement, mais pas que. Il est parti pour ça, d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça qu'il n'a pas fait Men in Black 2. Ouais, c'est vrai qu'il a, c'est pour ça, mais c'est surtout le scénariste de Jurassic Park, de L'Impasse, donc, et de Panic Room de Fincher. Donc, le bonhomme est pas mauvais. Il ne sera pas resté. On a eu Spider-Man. Ouais, je te laisse terminer. Donc, on garde Barry Sonnenfeld au casting, on augmente le budget. Et ça nous donne Men in Black 2, donc un petit résumé vite fait. Donc on prend le personnage, il revient, donc ça suit le temps qui se passait, donc 5 ans. Donc le cas s'est fait neuraliser, donc J est tout seul, il cherche un coéquipier, il n'en trouve pas. Et une alien très très méchante arrive sur Terre et comme d'hab menace de détruire la Terre, ou toujours une histoire comme ça. Et donc là, J va retourner chercher K pour combattre cette menace. Donc toi, Corentin, comment tu as découvert ce film? Pour le coup, j'avais suite à mon choc du 1, je me suis dit que je voulais comme on avait parlé de fascination, mais du coup je voulais voir les suites et j'avais vu le 2. Et c'est triste à dire, mais jusqu'à cet enregistrement de podcast, je ne m'en rappelais quasiment pas. En fait, je me rappelais de un truc, le chien, et de l'alien sexy. Franck toujours, donc je me rappelais littéralement d'un chien et d'un tas de tentacules. Souvenir globalement flou. J'aurais pu résumer le film comme ça au final. Ouais, c'est sûr, mais du coup là je l'ai revu et mais avant qu'on passe à nos avis actuels, comment est-ce que toi tu l'avais découvert, comment tu l'as revu? Je l'ai découvert là pour le podcast. Le 2 et 3 je les ai découverts là. Et je comprends pas pourquoi j'ai pas découvert toute la saga plus tôt. Mais bon, le 2, je suis pas, pour mon avis, je pense que je le préfère quand même à toi, mais c'est vrai qu'on est bien en dessous du premier quand même. Même s'il reste très agréable à regarder et qu'il y a toujours des points positifs qu'il y avait déjà dans le 1, genre la musique et le rythme. Moi, un problème que j'ai avec le film, c'est que le film a eu pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'on a parlé du scénario où le premier jet a été fait par David Cup, mais le scénario a été, enfin, le premier jet a été repris par Gordon, puis à nouveau repris par Sonnenfeld. Sonnenfeld a voulu ajouter des éléments de pop culture, mais c'était pas dans le truc. Enfin, Qu'on remarque pas trop en plus au final. ouais, du coup, c'est assez bancal. Bancal, pardon. Et notamment, toute la fin a été modifiée parce que ça devait se faire au World Trade Center. Mais Oui, c'était un peu compliqué. oui, il y a eu un petit événement le 11 septembre de l'année précédente. Ah, bah c'est marrant, ils étaient plus là. Mais vraiment, je trouve ce film très, très, très en deçà, en fait. Il y a plein d'idées que je trouve pas trop mauvaises. C'est-à-dire que le personnage de K, à nouveau, Tommy Lee Jones, éternel Tommy Lee Jones, qui a retrouvé une vie normale et qu'on voit dans sa vie, entre guillemets, normale. Mais Alors c'est justement, je dois me permettre de rebondir, cette scène de la poste est incroyable quand même. oui, la scène de la poste est géniale, mais enfin, c'est, je sais pas, je trouve, c'est pas, enfin, je la trouve très drôle en tant que telle, vraiment. Mais ce qu'il y a tout de suite après, je trouve pas. Tu sais, quand il essaie de lui Oui, rendre la mémoire avec l'espèce de grosse machine là. c'est le problème de le 1, tout se tient et tout va bien ensemble et ça fait un tout qu'on aime. Le 2, c'est des petits bouts par-ci par-là qu'on aime et si on prend le tout, bah, c'est moins bien. Bah là, il y a un côté, il y a un côté trop, trop, trop, ils veulent trop en faire, en fait. Vraiment, je trouve ça pas ultra intéressant. C'est-à-dire, le film fait 1h28, donc il est moins long que le précédent. Mais là, pour le coup, je les ai quand même bien sentis. Je sais que Mais j'avais après, ce vu qui est que. compliqué, c'est que oui, l'effet de surprise, on l'a plus, donc il faut rebondir face à ça aussi. Bah, sur ça, je sais que l'avantage du film, c'est qu'il démarre très vite. Et je pense qu'il y a une de mes scènes préférées du film dès le début. Je t'en parlais hors antenne, mais c'est l'intro du film. Où en fait, tu suis. Bon, non, pas l'intro, le générique. Parce que l'intro, tu vois vite fait le pitch de ce que va être le film. Et ensuite, le générique. Et tu vois un vaisseau qui dépasse en détruisant des planètes. Et il Et arrive sur c'est Terre. pas très beau hein, quand même, Ah non, souvent. là pour le coup, autant les effets spéciaux du 1 sont totalement pardonnables. Parce que le tout va autour et va avec. Autant le 2, là pour le coup, c'est vraiment pas terrible. Mais. Tu vois du coup le vaisseau qui détruit des planètes arriver sur Terre est un jeu sur l'impression de taille qu'il renvoie et en fait il est tout petit. Ah oui, c'est on s'y attend pas, ouais. Et ça m'a fait rire. Mais ouais, tout de suite après, c'est avec une scène que j'ai quand même trouvé super vulgaire parce que le personnage de Serlina, donc la méchante, qui devait à la base être interprétée, est-ce que tu as vu par qui elle devait être interprétée? Oui. Et Femke. Donc par on Famke réfléchit un Janssen, qui est connue pour avoir joué Gris. Jean Grey dans les premiers X-Men. Alors il y a aussi les noms de Halle Berry ou Jennifer Lopez qui ont été auditionnés. Ça aurait pu quand même eu plus de présence parce que, Ça soyons m'aurait pas honnêtes. dérangé, hein. Non, mais je sais pas toi, mais l'actrice de l'Alien, elle n'a aucun charisme. Non. Mais après, elle a un air très sobre qui passe avec son personnage. Ouais, mais. On s'attache pas à elle et je me dis, bon, après tout, c'est Oui, méchant, mais quoi. par exemple, je me rappelle parfaitement du méchant du 1. C'est le côté ultra Oui, déformé. ouais. Là, le 2, je Et me surtout rappelle. qu'on se rappelle plus de son acolyte joué par Johnny Knoxville que elle. Ah ouais, alors là, Tête pour de le coup, tête. l'acolyte, je l'ai trouvé insupportable. Il est insupportable, mais on le retient plus. Ah, c'est vrai qu'on le retient, mais elle a aucun charisme. Enfin, elle a le charisme d'une poêle laissée sur le feu, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça triste, en fait. Enfin, y a pas d'ampleur à cause de ça. Mais à propos de Johnny Knoxville, t'as vu qui devait jouer son rôle? Qui est nu? Keanu Dieu devait Dieu! interpréter Robert l'acolyte. Downey Jr. en film. Ouais, pour le coup, je pense que Keanu Reeves, enfin, littéralement, deux têtes de Keanu Reeves, déjà, ça aurait été incroyable. Après, Robert Downey Jr., à l'époque, ça aurait été bien. Hein. Ah, C'était c'est vrai que l'époque ça de va. Kiss Kiss Bang Bang. Hein. C'était Ouais, à cette ah, époque-là. Kiss Kiss Bang Bang. Ah, mon Dieu. On C'était aurait pas pu. Tony Stark, quoi. C'était vraiment une époque, ça pouvait très bien passer. Hein. Ah, c'est vrai que le côté un peu punk, c'est vrai que ça aurait été vraiment super. Et pour le coup, Linda Fiorentino devait reprendre le rôle de l'agent L, donc Ah, l'acolyte de Will pas Smith à la voulu. fin du 1. Bah, elle n'a pas voulu suite à la lecture du script. Et du coup, ils ont quand même trouvé une parade incroyable que aucun film ne fait. Et non, ils ne l'ont pas tué, ils l'ont neuralisé. Ouais, ça, franchement, mais. Ah, mais du coup, le 2, en fait, ce qui me rend triste, c'est que je l'ai vu il y a pas longtemps, là, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai des souvenirs de scènes qui m'ont fait rire. Il y a une autre scène qui m'a fait rire, à part l'intro, c'est le coup du ver géant. Dans le métro, là. Ouais, dans le métro, l'extraterrestre qui vit dans le métro. Il a un nom, Jeff, c'est pas Oui, ça? Jeff l'extraterrestre, j'avais plus son nom avec sa fleur sur la tête, là. Ouais. Et ça fonctionne. Et aussi la Si, scène. le personnage de Patrick Warburton, aussi au début, il est incroyable. Alors, c'est lequel, lui, déjà? Mais c'est l'acolyte de Will Smith au tout début. Ah oui, celui qui fait, celui Fleur qui au écrase, resto. Hein. celui qui écrase la fleur. Oui, ah, lui aussi, il est. Lui, ça, lui, il est plutôt rigolo. Et à la fin, lorsqu'il neuralise toute la ville de New York en se servant de la Statue de la Liberté. Oui, c'est une bonne idée, oui. Ben, nous, c'est des idées par-ci par-là, mais c'est plutôt Ouais, lourd. c'est comme je te disais, oui, c'est par-ci par-là, c'est pas un tout, contrairement Et après, il y a un caméo de Trigger Warning, Michael Jackson. à... Le vrai. Ouais, c'est. Mais à nouveau, en fait, là où dans le 1, par exemple, les apparitions de Stallone, Spielberg, etc., Ah, c'est moins subtil, là. bah, ça fonctionnait dans le 1. Là, c'est trop appuyé. Je trouve ça vraiment. Mais c'est quand même sympa. Ouais, bah, tu J'aime te bien diras. ce ton léger quand même du film. C'est. Oui, mais je sais pas, pour moi, ça a vraiment pas pris, en fait. Et j'ai aussi vu que Barry Sonnenfeld voulait que le film se concentre plus sur l'histoire d'amour entre J et le personnage, du coup, de Rosario Dawson. Qui avait 23 ans. C'est un de ses Genre premiers rôles. quasi. Je sais pas, mais elle avait à peine 2 ans de plus que moi actuellement. C'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que t'attends pour aller rencontrer Will Smith? Will Smith, c'est un peu plus vieux. Hein. Un peu. Est-ce que Mais. c'est un de ses premiers films? Je vais te dire ça. Ben, pas loin. Pas Ben, loin, pas loin. parce qu'en fait, j'ai vu que du coup, l'histoire voulait se concentrer sur la relation entre les deux, et ça tient pas. Enfin, pour moi, ça ne Non. fonctionne absolument pas. Non, mais non, genre Will Smith, il arrive, il fait, oh tiens, bonjour. Oh, et il tombe amoureux en littéralement 3 secondes. Le côté tombé amoureux, lover un peu lourd, on l'avait déjà dans le 1, dans la scène de la morgue. Oui, mais en 3 secondes, il allait faire ce que ce soit la femme de ma vie. Oui, sauf Trois secondes. que dans le 1, c'était un gag. Là, c'est censé être le cœur du film. C'est ce que je te dis, oui, c'est sérieux. Et tu y crois à aucun moment, tu fais, mais non, Du pas coup, crédible. Men in Black 2, pour le coup, moi, vraiment, c'est. Je l'ai revu, je suis déjà en train de l'oublier. Ouais, c'est pas le pire. Clin d'œil pour la suite, mais pas loin. Vraiment, c'était vraiment pas. Pour le coup, le 2, c'était vraiment pas un super moment de le revoir. Le chien est très drôle. J'ai, pas si vite. Je te remercie, c'est sympa. Franchement, le courrier, j'en pouvais plus. Viens-moi ce costume. D'accord, collègue, no problemo. Je l'ai mis pour le look. Par contre, si je peux te permettre, je trouvais l'effet amincissant plutôt réussi. C'est pas que j'ai un problème avec les meufs ou quoi que ce soit, mais pour pêcher sur les belettes, il faut. Waouh, mortel, la caisse, j'hallucine. J'espère que. Franck est très très drôle. Allez, moi j'aime pas le chien. Je comprends qu'on le trouve drôle, moi il me fait pas rire. Je trouve Ah. son humour lourd. Attends, lorsqu'à la fin il raconte ses exploits de guerre aux quatre extraterrestres là. Oui, mais bon quand même. Ah, Ouais, les bah quatre après. extraterrestres aussi sont ceux-là, on les voit tout le temps. Ceux qui s'occupent du café. Ouais, faut qu'ils Eux, ils s'occupent. sont super drôles. C'est un grand mot, s'occuper. Ouais, s'occuper, ils sont là, il faut acte de présence. Ouais, voilà. Et non, moi j'ai un autre souci avec le film, c'est la souci d'incohérence avec la toute fin. À toute fin. La toute fin, c'est dans le casier de métro. J'explique le truc. Vas-y. Pendant vers, je sais pas, le milieu du film à peu près, ils vont dans enfin, K et J, ils cherchent des indices. Ils arrivent devant le casier de métro de gare. Un casier dans une gare là, de K. Ils l'ouvrent et dedans, il y a une espèce de peuple d'aliens tout petits, on ne sait pas ce que c'est. Ah oui, Et c'est vraiment leur planète dans le truc, quoi. ceux qui le voient comme un dieu. Oui, parce qu'il leur donnait la montre et tout, c'est Non, le dieu ça, K. oui, mais ça c'est rigolo ça. Oui, c'est pas le problème. Donc il y a ça. Et à la fin, je pousse tout ce qu'ils se disent. Et J ouvre son casier à l'agence. Et il y a ce petit peuple dedans. Et donc ils discutent, blablabla, et Kay lui dit, bah, attends, viens voir. Il ouvre une porte, et en fait, tu te rends compte que eux, les humains, on est dans le casier d'une gare de plein d'aliens géants. Et ça pose un gros problème avec la fin du 1, quoi. Parce Bah, que si tu ouvres le casier, c'est plus la Terre, vu qu'ils sont immenses. Elle est où la Terre dans cette histoire? Il n'y a aucune logique. sur ça, pour moi, ça veut faire à nouveau le clin d'œil comme à la scène de la fin du Oui, mais 1, ça avec la scène des marche. billes. Ça Mais ça marche marche beaucoup pas. moins bien. Ça marche pas. Bah, sur le papier, l'idée est marrante. Le côté, Oui, mais ça, c'est finalement, on est incohérent avec aussi tout tout ce qu'on nous petit. dit. Oui, mais là où le 1, du coup, ça fonctionnait, Parce que c'était posé pendant le film de imagine si on était une bille, etc. Là, dans le 2, il y a ce côté conscient, où en fait, là, c'est pas la réalisation qui te montre ça, c'est un personnage qui te le verbalise. C'est K qui te dit, mais regarde, nous, ce qu'on est. Et, ouais, je trouve que la fin marche pas, quoi. Il y a l'idée, mais ça marche pas. Bah, l'idée est là, mais c'est ce qu'on dit, du coup, c'est le film fonctionne par idée. Et en ça, je trouve ça vraiment... vraiment très dommage, finalement, que c'est de voir ça là où... Je sais, en fait, le problème, c'est que même l'histoire qui est très répétitive avec celle du 1, finalement, c'est-à-dire un méchant extraterrestre, une personne, un truc à sauver, etc. Mais je suis même pas sûr l'histoire que... L'histoire est anecdotique. Hein. Bah, pour moi, ça, tu vois, on parlait de la série juste avant. Ça, pour moi, c'est un épisode de la série, tu vois. Enfin, oui, c'est clairement ça. Ça suffit. Voilà, tu fais ça en 20 minutes, etc. Ça aurait pu être sympa. Là, c'est trop long pour rien, au final. Donc, vraiment pas terrible. Est-ce que tu as quelque chose... J'avoue que sur le scénar, je sais qu'ils cherchent la lumière, mais je crois que j'ai déjà oublié ce que c'était, la lumière. C'est simple. Là où dans le 1, tu te rappelles que de la galaxie, avec le coup du chat, etc. Le 2, bon, voilà. Et juste un mot sur les effets spéciaux qui sont quand même pas terribles dans tout le film. Non, même pas. Enfin, c'est vraiment même les effets spéciaux. Non, vraiment, en fait, c'est le 1. Maquilleur. Ouais, mais c'est le 1 en moins bien, en fait. C'est le 1 en sans le côté frais qui fonctionne et dynamique du 1, en fait. Mais je répète que c'est pas quand même horrible. Genre, j'ai vu des films. Non, c'est pas notamment dans la filmographie de Sonnenfeld. Mais on en revient. Oh, tu teases. Je tease. Mais ouais, mais en fait, ça se suit. Mais pour le coup, je me suis enchaîné toute la saga et passer juste après le 1, le voir, c'est... Non. Et ben, parce même, que la musique est très bonne. Bah oui, mais même le titre que Will Smith a fait pour le film. Je n'en ai aucun souvenir. Bah, le titre du 1, c'est le titre Men in Black. On le connaît tous, ça, c'est énergique et tout. Le 2, Black Sweets Come In, enfin... il a fallu que je l'écoute à côté, je fais ah ouais, c'est vrai, c'est dedans, mais je l'ai oublié après, quoi. C'est ouais, bon, quelque chose à rajouter ou Il y a Barry Sonnenfeld dedans, le réalisateur. Oui, dans l'appartement, il fait un petit caméo. Une scène qui fonctionne très bien, cela dit. Ouais, là, c'est pas... Bonjour, je viens juste récupérer un petit truc. Tu vois le grand placard avec 12 000 armes dedans. Mais à nouveau, c'est une scène. C'est une scène. Et c'est repris du 1 lorsque ils vont chez le marchand d'armes pour la première fois. Oui. Ça. Après, du coup, concernant l'accueil critique et public du film, il a fait un excellent accueil public. Moins bien que le premier film, parce qu'il a fait que, entre guillemets, 441 millions de dollars. Enfin, plus de 441 millions de dollars. Ça va quand même, moi je les prends. Hein. Bah ouais, mais avec un budget à 190 millions, donc ça reste quand même très rentable. Et en revanche, l'accueil critique était beaucoup plus froid, parce que le film a été vu comme globalement une ressucée du 1, très, sans du coup ce que dit le côté énergique qui a surpris. Et du coup, il a fallu attendre 10 ans avant d'avoir un nouvel épisode. Je te laisse nous en parler. En mai. K est impliqué dans une sorte de voyage temporel. Quoi ? Pour sauver son coéquipier, il va devoir... Vous allez devoir faire un saut temporel en 1969. Remonter le temps. K ? Qui vous a dit mon nom ? Je suis un agent Men in Black, je viens du futur, je suis ton coéquipier. Alors, Mister Futur, on va où ? J'en sais rien. Il y a une invasion à nos portes. Vous avez ça dans le futur ? Non. On manque cruellement de temps. On manque cruellement d'indices. Il faut vraiment qu'on se bouge maintenant. D'accord. Men in Black 3. Men in Black 3, 2012, donc effectivement 10 ans après. On retrouve toujours nos deux héros, même si Tommy Lee Jones a failli ne pas venir parce qu'il était hésitant. Donc c'est pour dire qu'après le 2, ça n'a pas non plus été la joie. Et hop, une petite bande-annonce avant. Tac. Ouais, pensez, t'as bien pensé pour la bande-annonce. Oui, mais j'allais encore faire le résumé en oubliant. T'inquiète, vas-y, je te laisse reprendre. Donc, le petit résumé du film, Men in Black 3, ça raconte. Donc, ils sont toujours à l'agence, ça fait donc 15 ans depuis le premier, parce qu'on garde toujours la temporalité. Et ouais. Pour sauver la Terre, encore une fois, J est obligé de remonter dans le temps pour chercher K dans le passé, donc en 69 de tête. Ouais, 69, exactement. Et pour éviter que K se fasse tuer par Boris l'animal. C'est quand même un nom incroyablement badass. Ouais, bah, du coup, toi, tu l'as découvert pour l'occasion, le film ? Pareil, comme le 2. Et du coup, ton avis ? J'ai adoré. À ce point-là ? Ouais, j'ai pas vraiment... je vois les défauts, mais j'ai passé un vraiment bon moment dedans, devant. C'est le genre de film où tu sais qu'il y a des trucs qui vont pas. Genre... enfin, on en reviendra, mais il y a des trucs qui vont pas et tout, mais tu passes un bon moment, et c'est le genre de film que je vais avoir envie de revoir, parce qu'il me divertit. Bah, sur ça, je l'avais vu, enfin, moi personnellement, je l'avais vu peu de temps après sa sortie, peut-être 2-3 ans après, pour 2014-2015, et je l'avais j'ai trouvé mieux que le 2, mais je l'avais assez oublié, et du coup, je l'ai revu là pour le podcast, et au risque de te surprendre, je te rejoins entièrement, en fait. C'était vraiment une très, très belle redécouverte. Il fait nouveau. Tu vois, le 2, c'est une repompée du 1. Et le 1, quand on réfléchit, le scénario est quand même assez simple, quoi. Un méchant, il veut détruire la Terre, il faut arrêter le méchant. Là, ils amènent une question de voyage dans le temps et toute une histoire, en fait, ça fait vraiment plus réfléchi. Bah, là, déjà, ouais, ça, il y a de l'idée, il y a de la nouveauté. C'est en fait... Il y a l'histoire d'empêcher un assassinat dans le passé. Alors, les lignes temporelles, on connaît. Hein. Enfin, Terminator, Avengers, des gros films. Oui, enfin, après, c'est pas le gros truc du film, là. Oui, mais... parce qu'en cohérence, bonjour. Hein. Ah oui, de ça sur ça, c'est pas nouveau. Mais je trouve ça très frais. Ça fonctionne vraiment beaucoup. Quoi. Je trouve ça vraiment très... ça change, quoi, je veux dire. Le budget a encore augmenté. Il est passé à 225 millions. Et quasi le double. Ouais, et pour le coup, en plus, c'était à l'époque une des comédies les plus chères jamais financées. Et, mais ça reste vraiment très, très, très bien. Et accessoirement, c'est également. Enfin, je me suis fait la remarque là, en voyant le film, c'est super bien réalisé. Enfin, super bien. C'est vraiment plutôt bien réalisé, en fait. C'est la première fois que je me faisais la remarque que, ah, là, c'est bien vu, là, c'est bien fait, etc. Donc. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Je trouve. C'est juste qu'on voit plus de choses que dans le 1, mais après, ça vaut le 1. Bah, est-ce que ça vaut le 1 ? Bah, pour le coup, après, les deux sont très différents entre le 1 et le 3. Oui. C'est-à-dire que le 1 est vraiment typé comédie, là où le 3 est beaucoup plus, en tout cas, j'ai trouvé, typé action. Il est sur ses personnages aussi. Creuse K, on creuse J. Bah justement, en parlant des personnages, j'ai vraiment adoré... comment, enfin, ce qu'il fait en tout cas de ces personnages du coup qui, comme tu l'as dit, ont bientôt 15 ans derrière eux, qui sont entrés dans la pop culture, et j'ai juste adoré le traitement qu'il fait avec eux, comment il les utilise et comment là où il les amène. Oui, puis il y a un côté émouvant dans leur histoire au final. Ah, moi à la fin sur la plage, j'ai eu ma petite boule dans la gorge. Ah ouais, genre c'est des trucs même si c'est un peu prévisible, on s'y a. Ça fait du bien de voir des choses comme ça qu'on ne voit pas dans le 1, qui sont assez impersonnelles, comme je disais, notamment K, qui est d'ailleurs magnifiquement interprété par Josh Brolin. Ouais, K, jeune, Josh Brolin, j'ai lancé le film, je savais plus que c'était lui, je l'ai lu, j'ai fait « Attendez, hop, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce qu'on ne va pas se mentir, Tommy Jones, il est un peu fatigué hein, quand même. Il est un peu fatigué, ah, mais plus là. Ah ouais, mais pour le coup, Josh Brolin, je trouve, reprend bien la suite. Il a à nouveau ce côté pince sans rire, le côté il sait en imposer. Moi, je trouve que ça fonctionne. Et physiquement, ça marche aussi. Ouais, et c'est aussi dans le 3 qu'on voit pour la première fois Emma Thompson. Oui, pendant 3 secondes, mais oui. Oui, pendant 3 secondes, mais ça fait plaisir de la voir quand même. Et moi, c'est juste, ce que j'ai vraiment aimé dans le 3, c'est le méchant. Je le trouve, c'est le meilleur de la saga pour moi. Ah, pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Le Boris, il est juste génial. Physiquement, quoi. Déjà, ouais. Rien que physiquement, c'est génial. C'est un croisement entre le dude de The Big Lebowski et Terminator, à peu près. Ouais, avec des tentacules autour des yeux. Ouais. Mais. Après, il n'a pas le côté dérangeant qu'avait l'Alien de 1. Quand il bouge ses trucs autour des yeux, c'est quand même pas... Ouais, mais dans le 1, rappelle-toi... C'est pas autant que le 1, mais ouais, par rapport à celle du 2, par exemple. Tout par rapport à celle du 2. Ah si, mais celle du 2, quand elle prend ses doigts là et qu'elle les met dans les oreilles, des trucs comme ça... Ou quand elle... Ah, c'est vrai. Mais le 3, pour moi, est... enfin, en tout cas, c'est le plus... celui que je prends le plus de plaisir à suivre. Ça fait partie des méchants que t'as envie de suivre parce que, je sais pas, ils sont cool, t'as un truc avec eux. Et je le trouve fun, le film. Je trouve que c'est plus fun. D'un point de vue action. Ah non, c'est vrai que ça fuse là-dessus, le 3. Tu t'embêtes pas une seule seconde. Et dans le 3, j'ai notamment adoré la blague avec la voiture. Ouais, avec les policiers. Là. Ouais, et il se fait, il se fait arrêter par les policiers sur la route. Et du coup, les policiers lui disent, tu es noir, tu ne peux pas conduire. Et il les neuralise et il fait... C'est pas que tu peux pas conduire, ils disent tu as volé la voiture. Ouais, tu as volé la voiture. Et il fait, c'est pas parce que je suis noir que j'ai volé la voiture. Bon, même si celle-là, je l'ai volée. Et la scène est super drôle. Vraiment, la scène, elle est très, très, très, très drôle. Et on voit d'ailleurs, là, dans le fond de cette scène, un poster avec une affiche de cirque, je sais pas quoi, un spectacle d'un chien parlant. Un petit clin d'œil à Franck. Ah oui. Alors, j'avais remarqué ça, mais je n'avais pas fait le lien avec Franck. Donc, ouais, bien vu. Ah, si, c'est un chien parlant avec une photo de Carlin. Donc, c'est Franck, quoi. Mais à l'époque. Ah, bah écoute, bien vu, je n'avais pas du tout percuté. Bah écoute, là-dessus, vraiment bien vu. Et un petit clin d'œil comme ça dans tout le film, c'est vraiment sympa. Une autre chose que j'ai notée sur le film, c'est que Sonnenfeld a été assez intelligent pour reprendre ce qui fait le cœur de son concept, à savoir les extraterrestres méchants, les Men in Black pour les arrêter. Mais a su l'adapter à une autre structure d'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas à nouveau les aliens arrivent, enfin des aliens arrivent, ils sont méchants, on doit les arrêter ou on doit faire quelque chose. Là, c'est l'histoire de voyage dans le temps, ça approfondit les personnages. Donc vraiment, c'est plus surprenant que, que s'il avait fait pour une troisième fois une structure qu'on aurait déjà découvert dans le 1 et qui était déjà épuisée dans le 2. Oui, parce qu'il amène des éléments en plus. Le méchant, il vient d'une prison sur la Lune. En plus, on est pensé à tout sauf à ça, quoi. Et le méchant est déjà là et ça apporte des trucs en plus, effectivement. Cette scène d'intro est incroyable aussi. Ah oui, sa séquence d'évasion, elle est géniale. Et même le thème pour la musique de Danny Elfman, toujours. Version guitare électrique là, ou je sais pas ce que c'est trop bien. Ah oui, ça Elfman quoi. Elfman qui, on peut dire qu'il pèse un peu, ça va. Mais non, ouais, le film fonctionne super bien. Vraiment, mais un gros plaisir de revoir ce film. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le box-office, le succès qu'il a eu? Moi, non, j'ai juste un souci, c'est la photographie du film. La photo, je la trouve pas très belle, quoi. Parce que c'est sombre tout ça dans le 1, dans le 2 et dans le début du 3, et du coup, oui, c'est sombre. Et par contre, quand il revient, c'est tout coloré, mais ça fait trop faux. Ah, je vois ce que tu veux dire. La scène de fin avec les fusées, là, c'est pareil, quoi. C'est pas très beau, hein, quand même. Perso, ça m'a pas traumatisé, mais je vois totalement ce que tu veux dire. C'est pas grave, mais toutes les scènes à Cap Canaveral, là, à la fin, je les trouve fausses. Ça me gêne un peu, quoi. Enfin, ça me gêne, non. Mais ouais, tu tiques un peu, tu te dis, c'était pas comme ça avant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Bah, je vois ce que tu reste veux mieux dire, fait que le 2. En même temps, c'est tout numérique quasiment, mais on évolue, quoi, en 10 ans. Bah, je comprends totalement ce que tu veux dire. Et pour le coup, à nouveau, je dis ce que j'avais dit sur 2, mais comme je les ai enchaînés. Je l'ai vu juste là, je l'ai vu après le 2, et ça m'a pas trop dérangé. J'ai aussi eu le côté un peu, c'est pas totalement vrai, mais je me disais, ça passe. C'est pas non plus atroce. Ouais. Et je voulais juste revenir sur le casting aussi. Ouais. On a quand même un magnifique rôle de Bill Hader, le rôle d'Andy Warhol. Ah oui, film a fait Andy Warhol l'alien. Ah, c'est... Non, il n'est pas alien, c'est un agent du Men in Black. On ne sait pas ce qu'il est, il a l'air d'être humain. Hein. Ouais, tu devines, il est pas... Ouais, ouais, La scène de fin, il est un peu plus qu'humain quand même. Mais il n'est pas dans la... Bill Hader, il joue le Andy Warhol, pas le... Lui, c'est juste un agent, on le voit que... Pardon. Milieu. Je confonds avec Griffin, toi. Ah, je confonds avec Griffin, non, pardon. Oui, mais du coup... Lui, il est humain, pour le coup. J'avais pas percuté sur le Andy Warhol. Mais je trouve son rôle incroyable dans Andy Warhol, où il fait « Non, mais s'il vous plaît, sauvez-moi, j'en ai marre, là, je sais pas quoi. » Il le joue super bien. Et oui, Griffin, je trouve son perso incroyable, elle aussi. Et pour le coup, il est pas humain. Mais vraiment, enfin, en tout cas, les films sont... tous les personnages en général sont vraiment plus intéressants dans le film, en tout cas sont plus marquants. C'est-à-dire que t'as même Rebecca Ferguson dans le film ? Non, c'est dans le 4 qu'elle est. C'est dans le 4 ? Oui. Attends, je vérifie. Ah, c'est dans le... Ok, my bad, c'est dans le 4. T'as Will Arnett dans le 3, par contre. Ah oui, aussi Will Arnett, ouais. Et Alec Baldwin devait jouer Zed John. Ah, et du coup, on sait pourquoi. Ah oui, et j'ai vu aussi Alec Baldwin, et il y avait aussi Charlton Copley qui devait jouer dans le film. Ouais, mais bon, ça s'est pas fait. Charlton Copley, héros de District 9, j'aurais adoré le voir dans le film. Et Baldwin dans Zen, ça serait passé, hein. Franchement, Alec Baldwin, oui. Les autres frères Baldwin, non. Enfin, les autres Baldwin, en tout cas, mais lui, oui. Passons au film que tu attends le plus. Avant de passer, ouais, on peut dire même des lapsus avec le casting, ça veut dire que tu l'attends. Avant de passer à la suite, le film a eu un énorme succès mondial. Il a quand même rapporté plus de 624 millions de dollars dans le monde, ce qui est un très très bon succès, on peut le dire. Et globalement, la critique l'a pas aussi bien reçu que le 1, mais l'a beaucoup mieux reçu que le 2. Donc, je pense que ça apportait un vent de fraîcheur, que ça proposait autre chose, qu'il y avait aussi des défauts, mais que ça savait s'appuyer sur ses personnages pour proposer quelque chose de, en tout cas, de rafraîchissant. Et juste dire aussi que autant Tommy Lee Jones, on sent qu'il a du mal, autant Will Smith, il n'a pas vieilli. Mais il est toujours aussi en roue libre. Oui, mais je veux dire, physiquement, c'est le même, en 15 ans. C'est un vampire. C'est incroyable. C'est un alien. Je pense qu'on a un alien. Et donc, le dernier film de cet épisode. On s'est dit, exprès, c'est 2019, vraiment... Men in Black International. Nous sommes une rumeur. Un parfum de déjà-vu. Regardez par ici. Un souvenir fugace. Nous sommes le secret le mieux gardé de la galaxie. Embauchez-moi. Il y a 20 ans, vous avez effacé la mémoire de mes parents, mais pas la mienne. On n'embauche pas, on recrute. Dans ce cas, je veux être recrutée. Je veux connaître la vérité sur l'univers. En costume. Bienvenue chez les Men in Black. Les hommes en noir ? Non. Ne commencez pas. J'essaie de faire bouger les choses. On a un problème à Londres. Agent M, bienvenue chez les Men in Black. Salut. Bally Pack, l'espèce Big Boss. Vous ferez équipe avec l'agent H. Allez, le monde va pas se sauver tout seul. Je prends le volant. Ce truc devrait se trouver là. Là, pour le coup, j'ai pas trouvé grand-chose sur comment il a été fait. J'ai vu qu'il y avait un... Tu m'avais envoyé un message là-dessus, et du coup, j'ai fouillé un peu sur le fait qu'avant, il devait y avoir un spin-off, enfin, crossover 21 Jump Street Men in Black qui devait se faire. Par James Bobin. Est-ce que j'aurais voulu voir ça ? Je sais pas, mais... Moi, oui. Moi, j'ai signé direct. C'est vrai que voir Channing Tatum et Will Smith tâtonner de l'extraterrestre, pourquoi pas ? Et Jonah Hill en alien. Jonah Hill, oh la vache, oui. Mais en tout cas, le projet ne s'est pas fait. Il est toujours dans les cartons. Mais finalement, ce qu'on a eu, c'est F. Gary Gray, donc réalisateur de Fast and Furious 8. Et braquage à l'italienne. Et braquage à l'italienne, oui, mais surtout Fast and Furious 8. En tout cas, c'est ça qui se voit dans le Men in Black 4, je trouve. Et... Bon, Men in Black International, le scénario, ça propose aussi de la nouveauté. Si on prend le scénario d'Internet, je suis toujours doué pour les scénarios, Les Men in Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée à ce jour, une taupe au sein de l'organisation Men in Black. Moi, personnellement, je pense que la plus grosse menace pour le film, c'est de faire une blague qui fonctionne. Parce que, bon, déjà, comment tu l'avais découvert? Tu l'avais déjà vu? Tu l'as pas revu pour l'occasion? Tu ne m'as pas suivi dans la douleur? Mais comment tu l'avais vu? Je l'avais vu, j'étais tout seul chez moi en été, c'est sorti en été. Ouais. Et j'avais vu Men in Black 4 au ciné. Et j'ai fait, bon, allez, je sais pas quoi faire, je vais aller voir ça. Et voilà, je l'ai vu. J'ai le revu plus tard. Parce que oui, j'ai le Blu-ray. Ouf, ça c'est du dossier. Ça va, il m'a coûté 2 euros. Ça les vaut. C'est sa valeur. Ouais, bah moi je l'avais, comme toi, je l'avais. Alors non, je l'avais pas vu au cinéma. Je l'avais vu, c'est dommage parce que c'est quand même mieux qu'à la télé. Hein. Eh bah sur le coup, je l'avais découvert sur télé. Et je l'ai revu du coup pour le podcast, et la seule chose que je me suis dit à la fin, c'est pourquoi ? Et quand on pense sur le papier, ça marche très bien. Moi, tu me vends les Men in Black à l'international avec une taupe dans l'organisation, ça a l'air cool. Bah oui, l'idée de la taupe fonctionne, mais il y a un léger problème, c'est qu'il y a un suspect en fait. Oui, ok, on le sait au bout de 5 minutes de film, mais quand même. Ben, sur le papier, je parle vraiment de base sans rien savoir, ça aurait pu marcher. Bah oui, mais en fait, du coup, quand j'ai revu le film, j'ai essayé de le redécouvrir. Et ce que je disais en intro, en fait, c'est que le film n'est pas drôle. Il n'est vraiment pas drôle, mais même il est faussement drôle. Ouais, il est persuadé de l'être, et du coup, ça le rend assez désagréable. Tiens, au casting, Chris Hemsworth, moi, pourtant, je suis plutôt fan de son type entre guillemets d'humour, le côté un peu beau gosse. Tu sais, qui va faire les bêtises, etc., on va dire. Mais moi, normalement, ça me fait plutôt rire. Tessa Thompson, je n'ai rien contre elle, je la trouve plutôt amusante. Emma Thompson, j'aime énormément cette actrice. Mais qu'est-ce qu'ils sont... Liam Neeson. Parle de Liam. Ah, mais qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans, quoi? Et attends, parce que c'est pas fini. Rebecca Ferguson aussi, du coup. Bah, je sais, ouais, dont je parlais avant, mais ouais, c'est... Ça, je sais même pas que c'était elle avant de chercher que c'était elle. J'ai vu le casting, je fais ah. Okay. Ah bah oui. Mais le pire truc du film, le pire truc faussement drôle, c'est le petit alien vert, Pony. Ah, enfin, en anglais, il s'appelle Pony. Mais je crois que c'est pareil en français. Je le trouve. Le pionnier en français ou un truc comme ça. Je le trouve insupportable. Vraiment, c'est. J'ai vu que sur internet, il y avait des gens qui le soutenaient en mode ah, il est mignon, etc. Non, enfin, j'avais juste envie de le tarter. Enfin. Tu passes de Franck le chien à ça, quoi. Ouais, au niveau et Bitcoin. Franck le chien, il n'est pas drôle, mais tu peux pas dire qu'il n'est pas mignon. Si. Ce truc-là ne l'est même pas. C'est moche. Ouais, c'est ça. Enfin, les blagues ne sont pas drôles. Il y a une scène qui m'a un peu fait sourire. C'est une idée que je trouvais sympa. C'est lors du combat contre les extraterrestres. Et en fait, ils sortent des armes de leur voiture. Donc, Tessa Thompson et Chris Hemsworth. Et ils ouvrent un tiroir. Tu as 20 pistolets à l'intérieur. Un deuxième tiroir, t'en as 40. Ils branchent un truc sur la roue pour faire un chargeur. Et là, pour le coup, c'est marrant. Mais... Ouais, une bonne utilisation de la voiture qu'il y avait déjà dans les anciens, ouais. Même, enfin... Ouais, on en est à se raccrocher à une bonne utilisation de la voiture, quoi. Et même pas une scène avec un alien et testicule, et ça, quand même. Je suis désolé que tu en parles. Oui, je voyais bien qu'il fallait que tu le lâches, mais... Non, en fait, international, ce qui me déprime aussi, c'est que... Je vois pas l'utilité de ce film, en fait. C'est-à-dire que tu le termines, tu fais « Bon, ouais, ok, c'est fini, ça n'ajoute rien à la saga. Ça, c'est même plutôt désagréable, parce que dans les blagues où il est persuadé d'être drôle, mais il ne l'est absolument pas. Des scènes d'action sont... Elles existent, je veux dire, c'est... Ouais, voilà, quoi. Ah si, le design de... spoiler, Liam Neeson Alien, à la fin, est cool. Je m'en rappelle même pas. Bah, il a quasiment un côté de monstre Lovecraftien avec il a plein de tentacules partout. Il a côté. Enfin, pour le coup, c'est quasiment plus un monstre qu'un extraterrestre. Mais c'est pas beau en fait. Enfin, du coup, là dans le 1, l'extraterrestre vendait un peu du rêve. Il y avait au moins un côté un peu. Il était cool. Dans le 4. Ah, cette fausse tour Eiffel. Oh mon dieu, oui, aussi. Parce que les décors, il n'y a rien qui va dans les décors. Ouais, si c'était le moindre problème, ça ne me dérangerait pas. Non, c'est vrai. Mais ouais, un autre truc qui m'embête, c'est que il n'y a aucune alchimie. Enfin, il y en a une, mais bof, quoi, entre Tessa Thompson et Chris Hemsworth. Bah, je voulais y venir aussi, et t'es sympa de dire qu'il y en a une, mais il n'y en a pas. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on passe de Will Smith et Tommy Lee Jones, ou juste qui sont devenus un des duos les plus iconiques qu'on puisse imaginer, où les deux, vraiment, c'était juste. Enfin, ça fonctionnait, quoi. Il y avait un truc entre les deux. Il y a une écart de génération qui fonctionnait, qui n'y a pas là. Ouais, bah le côté buddy movie dont je parlais quand on était sur le 1. Là, on dirait juste deux potes. Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'on dirait deux potes, mais dès le début du film. Alors qu'ils ne s'aiment pas au début. Surtout deux potes dont l'un est complètement débile et l'autre est infernal aussi à suivre. Donc, ouais, super. C'est... Mais même en termes de méchants, tu ressens pas la menace. T'as les jumeaux, là, au fond. Je sais pas trop s'ils sont jumeaux, mais... Ouais, les deux danseurs, là, qui en fait passent plus de temps à danser qu'à faire autre chose. On est d'accord. Ils sont pas très menaçants, quoi. Ça manque d'une menace. À propos de danse, cette scène dans la boîte de nuit, horrible. Illisible. Bah, illisible et surtout très gênante. S'il y avait que ça de gênant. Oui, mais on a Chris Hemsworth en roue libre qui se dit « ça y est, cette fois, c'est mon moment ». Et qui dit « on voyait Michael Jackson dans Men in Black 2 », bah là, on voit Michael Jackson dans Men in Black International. Le talent de danse en moins, c'est juste immonde. Enfin, c'est vraiment, ce film, c'était vraiment dur à revoir. Et pourtant, enfin, sur le papier, le fait que, enfin, à nouveau, on en parlait sur le papier, mais le fait que les Men in Black soient une agence mondiale fait que tu as une infinité d'histoires à raconter. Tu peux faire des films qui se passent plus tôt, c'est-à-dire que dans les comics, on voit qu'en fait, c'est une agence qui date d'il y a... enfin, qui est là depuis un gros bout de temps. Et au début du 2, c'était évoqué. Et dans le 3, le fait de revenir dans le passé, c'est carrément mis en scène. Et l'idée de faire des choses à travers le monde, ça aurait pu être super. Mais pas pour faire ça, quoi. Et ça n'a pas l'âme d'un Men in Black ou dans un Men in Black, les anciens. Tu vois, les aliens, ils sont cachés et tout. T'as le côté théorie du complot. Ici, j'ai l'impression de plus voir un Star Wars sur Terre qu'un Men in Black. Bah, ça fait vraiment des aliens, mais en fait, c'est normal. Et t'as l'impression que personne ne les voit, mais au fond, tu pourrais les voir, ça changerait rien, quoi. Bah, t'as pas ce côté on se cache. Bah, sur ça, ouais. Et surtout, ça m'a fait penser, il me semble que c'est Star Trek 4 qui faisait Retour sur Terre. Ou en fait, mais j'ai tu pas perds... vu Star Trek, mais... Il me semble que c'est le 4, je suis pas sûr, le 4 ou le 5, peut-être. Mais où en fait, tu perds ce côté... pas merveilleux, mais vraiment fun, justement, des premiers où tu l'as dit, mais il se cache, tu sais pas trop, le côté n'importe qui peut en être un. Là, comme ils sont tous quasiment à découvert, c'est-à-dire que dans la boîte de nuit, bah, t'as que ça, la petite bestiole verte, elle les suit partout, Liam Neeson en extraterrestre, voilà quoi, et les deux jumeaux, au-delà du fait qu'ils n'ont pas de design d'extraterrestre, ils n'en ont pas à proprement parler. C'est des entités d'énergie quasiment. C'est très moche. Mais ouais, ils sont très moches. Mais s'il n'y avait que ça aussi, encore une fois. Ouais, mais Rebecca Ferguson, quoi. C'est censé être la méchante principale, hormis la top. Et je ne me rappelle même pas je me rappelle pas d'elle, tout court. Et c'est déprimant parce qu'elle a quand même une vraie présence. Quoi. Je veux dire, par exemple, récemment dans Dune, elle a une. Enfin, lorsqu'elle est là, elle en impose. Quoi. Elle a quelque chose. Ou même Mission Impossible. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est elle qui joue dans... Le 5 et le 6. C'est elle qui joue dans les derniers, Rogue Nation, là, avec de Macquarie. Ouais, ouais. Mais ouais, et là, j'ai dû chercher pour savoir que c'était elle, je ne me rappelle même plus de son perso. C'est vraiment déprimant. Et moi, honnêtement, si le film avait marché, parce que le film a fait un bide, mais monstrueux. Quoi. Je sais pas si tu as les chiffres exacts, pour le coup, je n'ai pas pu les trouver. J'ai le budget qui est de moins que le premier. Combien ? Étrangement, de 110 millions. Bah, ils ont voulu faire une Predators, c'est-à-dire qu'ils font un budget pas trop élevé pour tester le public, voir si ça chauffe. Mais... bah, ils ont bien fait. Mais en fait, on arrive à la fin de l'émission, là, et je pensais à quelque chose, c'est que, est-ce que là, l'avenir à court terme de Men in Black, enfin, j'ai vu qu'il y a toujours le projet Men in Black Jump Street qui est d'actualité, mais t'as vu d'autres trucs passer ou pas trop ? Non, c'est plus ou moins enterré pour le moment, hein. Bah en fait, mais déjà, ils ont fait celui-là, le 4, S'il n'y avait pas eu le 3, je t'aurais dit, ouais, c'est comme les SOS Fantômes, trucs comme ça, ils te font pour ramener le jeune public. Ce qui, on est d'accord ou pas, ça a un sens. Là, je ne vois pas le sens de faire un nouveau, alors qu'il y a moins d'écart entre lui et le 3 qu'entre le 2 et le 3, avec des avec un spin-off, en fait. Et surtout qu'on ne te parle jamais de K et... C'est la même organisation, mais parce qu'il y a Emma Thompson, on ne te parle jamais de K et J, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ça perd son sens, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et en fait, du coup, c'est ça, je ne sais pas à quoi sert ce film. Et autre chose aussi que j'avais vu passer, en revanche, c'est que si le film avait marché, conditionnel bien évidemment, en fait, la saga aurait pu diversifier. Et aurait pu justement, comme je l'évoquais, partir dans des missions en Asie, des missions en Afrique, des missions en Russie, enfin vraiment partir sur le côté mondial de l'organisation. Ouais, j'aurais pas été contre un mix entre James Bond et Men in Black, tu vois. Ouais, mais ça pour le coup, ça aurait été cool, mais en fait, justement, dans le titre international, mais à aucun moment, le Men in Black 3 me dépaysait plus avec un 1969 pas terrible que Men in Black International avec un Paris, mais filmé Paris comme ça, c'est pas interdit, quoi. À part Paris et le truc où il y a un désert, je sais pas trop. Bah il y a Londres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, Londres. Le QG, mais enfin c'est tellement tellement dommage parce que là il y avait un potentiel tellement dingue que de voir que le truc a été coulé comme ça, c'est. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Peut-être que bon, même si ça m'étonnerait que Tommy Lee Jones revienne encore une fois. Non, c'est mal barré. Will et Smith. Pourquoi pas Will Smith, pourquoi pas hein. Bah Will Smith, vu qu'il est immortel, oui. Non, ouais. En ce moment, il fait des trucs pour perdre du poids et des découvertes de la nature. Peut-être qu'il perd du poids pour un Men in Black, on ne sait pas. Mais du coup, là, je trouve ça, ouais, pour le coup, j'avoue que je suis vraiment triste de voir ça parce que finalement, après avoir vu du coup toute la saga et la série, quelque chose que j'en garde, c'est que c'est des films profondément divertissants. Même le 4, on vient de vomir dessus. Mais ça se suit. Oui, comparé à un épisode précédent, c'est pas aussi douloureux que The Darkness, par exemple. Oui, effectivement. En même temps, il y a de la marge. Hein. Ouais, il y a de la marge. Mais par exemple, c'est un peu comme Fast and Furious 8, bah justement, du même réalisateur. C'est-à-dire que c'est complètement débile et c'est très très mauvais, mais ça se regarde. Enfin, donc tu peux le suivre. Ouais, mais il n'y a pas Jason Statham. Ouais, c'est vrai, ça manque de chauve qui met des tatanes. Ouais, moi je veux voir Dwayne Johnson en Alien. Oh la va, bah, vu tout ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il dit qu'il en est pas un? C'est vrai, il soulève des hélicoptères à une main et avec une chaîne dans une main, un hélicoptère dans l'autre. Donc pourquoi pas? Et il rappe aussi, et il rappe bien en plus. Ah, en plus, ça reste un Alien, je vois que ça. Bah, écoute, si jamais il obtient le rôle de James Bond, on pourra définitivement conclure que c'en est un. Ouais, c'est vrai, mais je pense, oui. Et mais en fait, la saga se suit et autant le 1 et le 3, ça a vraiment été des immenses plaisirs à revoir, notamment le 1 qui vraiment reste pour moi. C'est culte. Comment ? C'est culte. Ah, c'est culte, mais surtout le 1 reste pour moi un souvenir très marquant d'enfance et un film vraiment que j'aime vraiment beaucoup. Autant le 2, bon, on a tout dit, mais le 2 est très oubliable, mais vraiment, et même la série, finalement, dont on a très peu parlé, mais qui se regarde très facilement, et là, pour le coup, la série, c'est à n'importe quel âge, hein. c'est très... Il y a quand même, moi j'ai vu un épisode où il recherche le cœur de l'alien là. Ah oui. Le gars, il fait, regardez, il me manque un cœur, il met la main de Will Smith dans l'alien, et t'entends des vibrations, ils font comme ça. Ou alors, oui, t'as Franck le chien qui avale un truc et ils veulent le faire ressortir absolument. C'est un peu crade hein, quand même. Oui, mais c'est toujours bon enfant. C'est pas, c'est tout comme il y a le côté animation. Oui, oui, c'est bon enfant, bon enfant d'enlever des cœurs. Oui. Et je vais dire un truc, comme le 4, il est pas réalisé par Sonnenfeld. Et parce qu'il faut quand même parler, parce que c'est le prochain épisode et ça se ressent que c'est pas lui. Bah, c'est le même type de réalisation que Fast and Furious 8. C'est-à-dire, ça fait le boulot, mais c'est pas. Voilà quoi. Oui, mais tu vois, tu disais, tu vois pas trop ce qu'il a de raison particulièrement, oui. Les 3 Men in Black, mais quand tu compares aux 4, moi je trouve que ça se voit. Ah, je comprends. Bah, sur ça, oui, c'est parce que le 1, 2, 3, c'est vrai qu'il y a l'humour était mieux géré, c'est-à-dire que les blagues passaient mieux. Et c'est mieux fini. Ouais, il y a plus de plans pas originaux, mais tu as plus une identité, je trouve, que dans le 4, je te dis, tu penses ça, Star Wars 9, c'est pareil, quoi. Ouf ! Le mot est lâché, attends. C'est quand même un peu mieux, c'est quand même moins bien filmé que Star Wars 9. Star Wars 9, Abrams, il sait quand même tenir une caméra. Oui, d'accord, mais bon, j'ai plein d'autres exemples, si tu veux. Mais... Ah non, mais t'inquiète, je vois tout à fait. Jumanji avec Dwayne Johnson, alors. Ouf ! Ouais, mais, et du coup, toi, finalement, après avoir revu tout ce qui touchait à Men in Black, qu'est-ce que t'en retires ? T'en as pensé quoi ? Comment tu as vécu, finalement, ce passage chez les hommes en noir ? Et ben, comme je disais vers le milieu, je regrette de ne pas les avoir vus plus tôt, les 2 et 3 en tout cas. Parce que c'est vraiment, je passais un super moment et tu vois, quand vous proposez pour voir des films, des fois, je suis pas genre le prochain, je suis pas hyper motivé à regarder les films. Donc, je fais bon, allez, il faut que je regarde. Là, Men in Black, je m'étais dit, ouais, je vais voir le 1, il faut que je le revoie. Et je verrai le 2, je sais pas, le lendemain ou deux jours après et tout. Et au final, je les ai un par jour, je sais, j'avais pas prévu, mais je les ai dévorés, quoi. J'ai vraiment, c'est une belle découverte. Bah, c'est aussi un univers qui fonctionne vraiment très bien et qui donne envie de découvrir plein de choses. Bah, sur ça, justement, si tu as envie de prolonger, pour toi ou pour les auditeurs, je peux recommander vraiment les comics qui sont dans un autre esprit. Il y en a pas tant que ça. En tout cas, je n'en ai pas vu tant que ça. Donc, je ne pense pas non plus que la série soit énorme en comics. Mais je crois que quand même, jusqu'à 2010, peut-être, je ne sais plus. Mais ça a été fait début 90 de tête. Et c'était racheté par Marvel. Ouais. Mais ça a duré pas mal de temps. Après le deuxième film encore, je crois qu'il en sortait. Oui, il en sortait encore après. Et, il n'en sortait plus au moment du 3. Mais ça, si t'as envie de prolonger l'expérience, je te conseille ça. C'est plus divers, c'est plus sombre par moment. Mais est-ce qu'il y a Franck le Chien ? Oui, tu as Franck le Chien. Ah bah, ok, bah c'est bon alors. Et t'as Franck le Chien, et je peux te dire que c'est pas le seul animal qui parle. Ah. Est-ce qu'il y a un homme avec des testicules au niveau du menton ? Alors, des aliens, pour le coup, t'en as de toute forme, de toute taille, et t'en as vraiment de très improbables. Mais t'as pas que des aliens, comme je disais, t'as aussi des démons, et t'as toujours le côté, enfin des démons, en tout cas du paranormal. Et t'as l'humour noir qu'on retrouve dans les trois premiers films, et qui a vraiment été très bien repris par Sonnenfeld, pour le coup. Tu le retrouves dans les comics. Touche un peu plus éparse, c'est-à-dire que tu vois pas non plus, c'est pas flagrant, on va dire, mais tu le vois et il fonctionne vraiment super bien. Certains comics sont très très très très drôles. Et on l'a pas dit, mais le 4 a de l'humour, enfin, qu'on aime ou pas, et sur l'humour qui est tout sauf noir. Bah, sur ça, c'est ce que je disais, enfin, ce que, en tout cas, c'est que pour moi, c'est que les blagues ne sont pas drôles, en fait. Le 4 n'est pas drôle. Non, mais même sans parler de ça, que ce soit drôle ou pas, admettons. Même si c'était drôle, et c'est pas du tout noir. C'est de l'humour Marvel, quoi. Allez, hop là, la punchline est faite. On va tout passer dans cet épisode. Et du coup, comme à chaque fin d'épisode, si je te demande rapidement un classement de différents... Des différentes choses qu'on a vues. Donc, si je résume, on a les quatre films et la série. La série qui a plusieurs saisons, mais qu'on réunit juste sous une seule bannière. Quel classement tu fais et pourquoi ? Je précise juste qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi plein de jeux vidéo qui existent de Men in Black, évidemment. Vu que les films ont un côté culte, ça a été développé. Voilà. Il y a des jeux vidéo, il y a des goodies, il y a plein de trucs qui ont été faits là-dessus. Ouais. Je suis un peu complétiste, alors voilà. Et non, si je devais essayer, bon, en dernier, je pense par le bas, je préfère le 4. Oui. Mais c'est vraiment, c'est même pas en bas, c'est sous le bas. C'est en sous-sol. Après, ouais. Je mets le 2. Et après, le. Enfin, c'est là que c'est dur, quoi. Je crois que je mets le 1. Je mets le 1, la série, le 3. Tu mets le 3 au-dessus du 1 ? Ouais. Ah ouais ! Le 1, je le trouve maîtrisé et très bon, mais après, avec du recul, quand tu vois le 3, il est simple, niveau histoire. Ah oui, le 3, il envoie du lourd, quoi, niveau scénario, et je le trouve du coup plus divertissant. Il est plus long aussi, tiens, au passage. Ah ouais, bah c'est le deuxième plus long derrière le 4, qui, en plus d'être le plus nul, est le plus long, 2 heures. Hein, 2 heures trop, qui passent trop long. Lentement. Concernant, je commence aussi par le bas, du coup. Tout en bas, c'est Men in Black 4 aussi, mais c'est un peu comme The Darkness, c'est-à-dire que d'autres films peuvent sortir, j'ai de la place pour les mettre au-dessus de lui. Et bah, c'est l'occasion de placer Destination Final 4 encore, qui est encore plus nul que Men in Black 4. Oui, je pense que si on fait... Ah non, même Destination Final 4, à côté, ça se suit très bien, hein, je veux dire. Parce que moi, je veux quand même mettre un truc pour nos auditeurs. Un jour, peut-être, mais ça sera très difficile, on trouvera un film qui battra Destination Final 4 au niveau de la nullité. Bah écoute, un jour, on fera la trilogie Souviens-toi l'été dernier, tu m'en diras des nouvelles. D'accord, déjà, on a l'épisode Barry Sonnenfeld. Ça va être quelque chose. Ouais, là, il y a moyen de bien scorer dans la nullité aussi, même s'il y a aussi de très, très, très belles surprises. Tu verras, ne perds pas espoir. Alors, ça. On verra ça. Et donc, au-dessus du 4, je mets le 2, comme toi jusque-là. Après, oui, c'est pour ça que je commençais du bas, c'est plus intéressant. On sait ce qu'il y a au fond. Les trois premiers. Alors, numéro 1, pour moi, c'est le 1. C'est vraiment le 1 qui... Après, je pense que j'ai aussi l'impact qu'il a eu sur moi plus jeune, qui a fonctionné. Oui, c'est sûr. Moi, je ne m'en rappelais pas. Alors. Et en deuxième, je mets quand même la série. Mais parce que la série... Et en fait, la série, c'est quasiment un 1.5, en fait. C'est totalement le 1, mais juste sur plein de petits épisodes. Donc, et en troisième, du coup, ce serait le 3. Et on n'a pas dit, mais l'animation de la série est franchement bien faite. Oui, ça, sur ça c'est... Au passage, sur ça, c'est vraiment une de très bonne facture. Mais plutôt à VF, du coup. J'ai vu des séries animées de films qui sont quand même très très moches. Donc je préfère préciser quand même. Tu penses à quoi là par exemple? Alors, Alvin et Chipmunks, rien que ça. Il y a une série Alvin et Chipmunks. Ah, tu n'as jamais vu? J'ai réussi à passer entre les mailles du filet, oui. Déjà, les films, voilà. Un jour, on fera ça. La saga Alvin et Chipmunks. Peut-être pas tout de suite, s'il te plaît. Peut-être pas tout de suite. Et non, je pense à rien de particulier, mais j'ai vu de ces séries animées. Mais tu sais, les trucs où les personnages, ils sont lisses. Ils sont en 3D, mais lisses, tu sais. Genre, tu peux te voir en miroir sur eux. Ah, je ce genre d'animation. Oh oui, bah justement, tu sais quoi, viens, on évite ces trucs-là pour les prochains épisodes. Viens, on les fait pas. Pour l'instant, du coup, bah, on a fini pour l'instant toute cette partie sur Barry Sonnenfeld. Enfin, sur Men in Black. Première partie sur Barry Sonnenfeld. Et du coup, dans deux semaines, on fait la fin de sa carrière. Tu as déjà commencé à regarder quelques trucs? Bah, j'ai vu des chats et des hôtels pour le moment. Surtout des chats. Ça augure du bon ou t'as déjà peu peur? Pas les chats. Du peu que j'ai vu, il m'en reste 3 à voir. Donc j'ai vu plus de la moitié. On passe du très bon à du pas très bon, quoi. C'est incroyable la diversité qu'il y a. Bah écoute, on regardera ça et on essaiera de tirer au clair les origines du drame sur ce qui a pu se passer sur certains films, du coup. Et si vous aimez quand on critique Destination Final 4, The Darkness ou Men in Black 4, écoutez le prochain épisode. Je pense que c'est le moment. Clairement, je pense que ça va. On va tirer un peu sur le prochain épisode, ça c'est sûr. Du coup, merci à toi d'avoir été avec moi pour faire à nouveau cet épisode Men in Black. T'as été très sport de revoir, du coup, de découvrir et ou de revoir certains films et la série. C'est comme dans le 4, faut pas abuser. Tu souffriras avec moi la prochaine fois, tu souffriras avec moi. Et du coup, on dit merci à nos auditeurs aussi d'avoir écouté l'épisode. Et on les invite à écouter les autres épisodes déjà disponibles et à s'abonner pour découvrir les épisodes à venir. Éventuellement à venir nous rejoindre sur les réseaux, Instagram, etc. Moi, nous proposer des avis de prochaines filmographies ou dire ce que vous pensez sur le podcast. Ah oui, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou même à suggérer des sujets. On prend de tout et on sera ravis de vous lire. Même si négatif, on prend tout. On prend même Louis Leterrier, c'est pour dire. Ouais, alors sur ça, on le fera peut-être, mais dans un petit bout de temps quand même. On attend le Transporteur 5. Ouais, tu attends le Transporteur 5. J'ai toujours pas vu l'héritage. Ouais, bah t'inquiète, tu peux te l'épargner. Mais bon, du coup, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et du coup, on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut. Oh. I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hoe. Yeah, move and shake a culture. Barrier border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pit saw the bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. And fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts. Not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time.